Merci Tiffaine, à lundi. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour le quatrième et dernier épisode de notre série sur l'école en littérature, une émission proposée par Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Laurence Millet, Laurence Genepin et Stéphanie Vélin. À la console aujourd'hui, c'est Anthony Thomasson. Il n'est pas toujours doux le temps de l'école tel que raconté par les écrivains. Frédéric Joly nous parlait lundi de l'internat tel que vécu par l'élève Torless dans le roman de Musil, où les sévices sexuels et la perversité des élèves entre eux peut presque être lu comme une métaphore de la fureur et de la folie qui va déchirer l'Allemagne et l'Europe durant tout le XXe siècle. Violence également dans l'internat de La ville et les chiens, roman de Mario Vargas Llosa, où les brimades, le vol, les mensonges et la terrible discipline constituent le quotidien des élèves, comme nous le racontait Albert Bensoussan de notre émission d'hier. Enfin, une autre école, plus douce en apparence, celle décrite par Colette cette fois, c'est Frédéric Magé qui nous en a parlé dans notre émission de mardi dernier. Et aujourd'hui ? Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Aujourd'hui, pour continuer d'évoquer, mais par un récit contemporain, les années d'internat telles que des écrivains les ont racontées, nous sommes avec Antoine Compagnon, professeur de littérature française au Collège de France ainsi qu'à l'Université Columbia à New York et auteur, entre autres récits et essais, du livre « La classe de Réto », ainsi qu'on appelait encore la classe de première durant les années 60 dans l'école militaire qu'il a fréquentée au Mans, un livre publié chez Gallimard en 2012 et qui est aujourd'hui disponible dans la collection Folio. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Celle qui danse sur mes chansons, poupée de cire, poupée de son. En août, je me trouvais encore en Amérique. Je fêtais mes 15 ans et je pensais n'avoir plus rien à apprendre. J'étais élève, depuis plusieurs années, dans une école très libérale. Sans mur d'enceinte, cerné de pelouses et de terrains de sport, riche d'une bibliothèque lumineuse, elle donnait sur la rue, la ville, le pays, l'univers. Mon père était en poste à Washington. Ma mère venait de mourir. Et au printemps, j'avais passé l'examen d'entrée au Bahut, dans le sous-sol du consulat de France. La diaspora s'était imposée comme la solution la plus commode pour la survie de notre tribu d'orphelins. Nous nous apprêtions à nous séparer, chacun prenant le chemin de son internat. Nous ne nous retrouverions plus jamais tous ensemble comme avant. Ever plan to motor west? Travel my way, take the highway that's the best. Get your kicks. Une lecture de la première page de votre livre. Antoine Compagnon, bonjour. Bonjour. Par Anne-Vanessa Prévost, qu'est-ce que ça vous fait de réentendre ces lignes que vous avez écrites il y a maintenant plusieurs années, bloquées, que vous étiez aux États-Unis par un volcan en éruption, un volcan islandais, et c'est ça qui vous a donné l'idée, l'envie et un peu l'obligation, puisque vous étiez désœuvré, de revenir sur votre passé scolaire? Je venais de relire ces lignes dans le métro en ouvrant le livre. Oui, le livre a été publié il y a quelques années déjà, donc il est devenu un peu loin, un peu éloigné aujourd'hui. Mais bon, c'est une expérience que je pense que je devais un jour ou l'autre raconter. Et bon, il y a eu une circonstance, vous la rappeliez, je me suis trouvé immobilisé à New York alors que je n'y allais que pour quelques jours. On s'en souvient peut-être de cet épisode d'un volcan islandais qui a interrompu le trafic aérien entre les deux côtés de l'Atlantique. Efaiol, quelque oui, chose comme ça. Oui, j'oublie le nom compliqué du volcan. Et c'est en effet à ce moment-là que j'ai commencé à rédiger ces pages. Et puis ensuite, j'ai continué continué. Ensuite, j'allais à Rome faire un cours dans une université. Et puis, j'ai passé tout mon temps là-bas à continuer à l'écrire. Et puis, du coup, c'était lancé grâce au désœuvrement. Parce que sinon, aurais-je sacrifié les travaux universitaires pour me lancer dans ce récit ? Ce n'est pas sûr. Donc, merci au volcan. C'est votre histoire que vous racontez dans la classe de Réto, quand, dans le courant des années 60, alors que vous aviez perdu votre mère et que vous viviez aux États-Unis, vous êtes revenu en France avec votre famille, à une époque où la traversée de l'Atlantique se faisait encore par la mer. Un très beau voyage d'ailleurs, écrivez-vous, un voyage qui durait environ une semaine, au cours duquel vous avez passé votre temps à vous baigner, à aller au cinéma, à jouer au ping-pong, à jouer au bridge, avant de débarquer au Havre et de vous retrouver assez vite dans un lycée au Mans, dans le Bahut, comme vous l'appelez dans votre récit. Alors quand vous êtes arrivé en France, ça vous a fait une impression bizarre quand même de retrouver ce pays venant des États-Unis. Vous n'avez pas tellement aimé finalement cette impression. Je dois tout de suite corriger une chose, c'était pas au Mans. Hein. J'appelle cet établissement le Bahut. Je ne donne jamais son nom, mais c'était non loin du Mans. Au Mans, il y avait une école d'enfants de troupe. Qui, je crois, n'existe plus, mais l'internat dans lequel je me suis retrouvé et que je décris de manière largement réaliste, mais aussi fictionnelle, c'était à La Flèche, hein, ce Prytané national militaire qui est donc au sud du Mans, sur la route d'Angers. Oui, quand je suis arrivé en France à l'âge de 15 ans, en fait, j'avais peu vécu en France jusque-là. Mon père était militaire. Les vies des enfants d'officiers, on avait habité en Tunisie, en Angleterre, un peu partout. Et donc, j'avais pas une grande idée de ce qu'était la France. Donc, découvrir à 15 ans cette école, cet enfermement, c'était aussi un apprentissage de ce qu'était ce pays. Et parfois, être dans un endroit isolé, cela fait bénéficier d'un point de vue intéressant. C'est un bon observatoire de ce qu'est la société. Cet enfermement, c'est donc ce mot-là que vous retenez pour parler de cette école-là. Et c'est vrai que quand vous êtes arrivé, d'abord vous êtes arrivé en retard, vous êtes arrivé bien après l'heure à laquelle vous auriez dû être là, et on vous a parlé d'incorporation. Et ce mot d'incorporation vous a choqué. Il y a tout un vocabulaire. Dans ce livre, j'ai un peu essayé de restituer ce qui était la langue d'un établissement comme celui-là, à la fois la langue administrative, militaire, et puis la langue, l'argot des pensionnaires. Et en effet, c'était un très grand enfermement. Un établissement comme celui-là n'avait pas beaucoup changé depuis le 19e siècle. On a du mal à se représenter aujourd'hui ce qu'était la France il y a une bonne cinquantaine d'années. Pour les gens plus jeunes, ils ne se rendent pas bien compte qu'on était encore dans un pays très très pauvre. Et on très écoutera archaïque. Un extrait un petit peu plus loin dans l'émission justement sur ce thème-là. Antoine Compagnon, vous avez donc décidé d'écrire non pas sur des écrivains comme vous le faites d'habitude, mais d'écrire sur la vie. Et la première question qu'on se pose, c'est est-ce que ce genre de récit qui se passe dans un internat, est-ce que c'est un genre spécifique de récit ou est-ce que c'est un récit d'initiation et finalement le lieu de l'internat ne fait pas genre en lui-même? Je crois qu'il y a un genre ou un sous-genre. Vous avez cité Thurless. C'est un livre que j'ai lu dans mon adolescence, vers cette époque-là. Et vous l'avez lu à l'internat, Thurless ? J'ai dû le lire dans ces années-là, d'adolescence, parce que j'ai une copie de ce livre de la collection du livre de poche qui est très abîmée, donc ça doit dater de mes années, 15 ans, 18 ans. Quoi. Et qu'est-ce qu'on pense quand on est enfermé dans un internat et qu'on lit un livre qu'on lit comme celui-là ? Il m'avait beaucoup marqué, évidemment. Il m'a beaucoup marqué parce que c'était... très souvent, on a besoin d'un livre pour se rendre compte de ce qu'on est en train de vivre. Et si on n'a pas les mots pour le dire et pour le penser, on est très démuni. Donc le livre de Musil est tout à fait certainement un livre qui m'a servi à comprendre ce que je vivais à ce moment-là. Alors quand j'ai écrit La classe de Réto, de manière très intentionnelle, je ne l'ai pas relu. Je voulais pas me remettre dans dans ce que j'avais ressenti à l'époque en le lisant. Quand j'ai écrit ce livre, j'ai pas voulu relire des livres qui m'avaient marqué de cette expérience. Et puis vous avez cité le livre de Vargas Llosa, La ville et les chiens. Mm-hmm. En fait, ça, c'est un livre que je n'ai lu que l'été dernier parce que j'ai invité Vargas Llosa au Collège de France qui est venu faire une conversation, là. Je crois que c'était au mois de novembre dernier. Et en préparant cet échange avec lui, j'ai lu pas mal de son œuvre. Et du coup, j'ai effectivement été très impressionné par ce livre qui relate une expérience qui n'est pas complètement étrangère à celle que je relate dans La classe de Réto, l'expérience de l'école militaire, d'une sorte de rébellion, et puis en même temps d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. C'est ça qu'il raconte aussi. Bon, voilà, il y a donc sans doute un sous-genre, puisque c'est un lieu de formation très fort, hein, et que ça a donné lieu à un certain nombre, je dirais peut-être, oui, d'éclosions de lecteurs ou peut-être d'écrivains. Donc vous avez écrit un livre sur la vie, et oui. Vous n'avez pas écrit un livre sur l'école, sur la scolarité. Ça n'était pas votre projet. Ah non, le projet n'était pas un livre sur l'école, c'était plutôt un livre de formation. Alors l'école, évidemment, le cadre, c'est l'école. Je dirais que c'est plus un livre sur l'époque que sur l'école. Cela dit, il est vrai que ce livre se déroule sur une année scolaire, hein, du jour de la rentrée au jour de la distribution des prix, ce qui est donc un schéma tout à fait, bien encadré du récit de l'école. Donc vous dites que vous n'avez pas relu Les Leftorless, mais moi j'ai quand même envie de vous demander, qu'est-ce que c'est d'écrire un livre dans un genre qu'on a donc identifié, on vient d'en parler, dans un sous-genre qu'on a donc identifié, quand on est soi-même quelqu'un qui étudie, qui a lu énormément, comment fait-on pour se positionner finalement par rapport à tous ces grands écrivains qui ont pu raconter des récits comme vous entrepreniez à ce moment-là? Oh, vous savez, je crois qu'on est des êtres doubles et contradictoires et qu'on peut par moments oublier tout son savoir, toute sa théorie. Et quand je lis des livres, je suis un lecteur naïf. Heureusement, je suis capable de lire de manière innocente quand je prends un roman. D'écrire de manière innocente quand on a tellement lu. Je crois que c'est possible, je crois qu'il le faut, je crois qu'il faut dissocier. Mais en fait, quand j'ai écrit ce livre, il y a eu plusieurs versions. Et la première version, celle que j'ai commencée à New York à cause du volcan islandais, que j'ai poursuivi à Rome, ce qui a en gros donné la première version, elle était beaucoup plus brève et elle était beaucoup plus personnelle. Et il m'a semblé justement intéressant ensuite de confronter ce que je racontais comme une histoire personnelle au moment dans lequel cela se déroulait, c'est-à-dire ce milieu des années 60. Donc il y a eu un aller et retour entre le récit de formation personnelle et, je dirais, la volonté de donner à cette expérience une dimension un peu plus collective. Alors pour saisir un peu davantage l'atmosphère de ce pensionnat, je vous propose d'écouter un extrait de votre classe de Réto, lu par Anne-Vanessa Prévost. Le plus avilissant n'était pas le bizutage, mais la vie quotidienne. Notre existence, je m'en aperçois en me la remémorant, avait peu changé depuis le 19e siècle. Les dortoirs, avec leurs longues rangées de lits métalliques à côté au mur, les réfectoires, avec leurs longues rangées de tables de marbre scellées au sol, étaient identiques. Qu'y avait-il de différent du temps où le jeune Opic, le fils Russell ou le petit Galliani fréquentèrent le bahut? Sur une carte postale représentant un des réfectoires en 1900, je reconnais les mêmes tables de marbre et le même chariot métallique, poussé par un manutentionnaire revêtu du même tablier descendant jusqu'aux pieds et portant la même moustache. Opic, Russell et Galliani n'avaient pas connu le chauffage central, ni sans doute l'eau froide à l'étage. Mais c'était bien là tout le progrès technique advenu depuis leur époque. et nous continuons de souffrir du froid. Cet automne-là, il plut sans relâche. Les égouts du quartier débordèrent. Les allées devinrent des lits de boue dans lesquels nous traînions nos brodequins. J'apprenais que la France était un pays gris et pluvieux, que l'on y attrapait des refroidissements. Le Loir quitta son lit. Une grande partie de la ville fut inondée, presque jusqu'au quartier. Le dimanche, pour nous distraire, nous allâmes constater les dégâts. Puis il fit si froid que même se rincer la bouche après s'être brossé les dents devint une épreuve. Au cours de l'hiver, une épidémie de bronchite laissa peu d'élèves valides. Nous vivions comme si le monde extérieur n'existait pas. Nous ignorions quasi tout de ce qui se passait au dehors. Nous n'avions aucune idée des choses de la vie. Compagnie des auteurs sur France Culture. Donc c'est cette impression de vivre au 19e siècle qui vous a le plus gêné, au moins au début, Antoine Compagnon? Ce qui était frappant, c'était le contraste entre l'école américaine d'où je venais, où j'avais passé une partie de ma scolarité secondaire. Donc au début des années 60, c'était très libre, c'était une école où il y avait des garçons et des filles, alors que là on se retrouvait dans un pensionnat qui bien sûr était dans lequel il n'y avait que des garçons. Donc c'était une toute autre existence. Et puis aussi ce que je décris comme cette fermeture par rapport à l'information qui pouvait venir du monde et l'absence de journaux, très peu de radio. Alors vous arrivez quand même à acheter l'Express toutes les semaines, ce qui fait qu'on vous regarde finalement assez mal. Oui, je m'en rendais pas compte. L'Express, c'est un journal. Je ne me rendais pas compte ce que pouvait représenter l'Express. Mais au milieu des années 60, l'Express conservait la réputation d'être un journal d'opposition à la guerre d'Algérie. Donc évidemment, ce milieu militaire était très marqué par les guerres coloniales et par les cicatrices qu'avaient laissées ces guerres, puisque tout le personnel qui nous encadrait avait traversé cette expérience. Et donc, traumatisé d'ailleurs par cette expérience. Acheter l'Express, ça ne plaisait pas trop à l'encadrement. Je m'en étais pas rendu compte. Ce qui faisait aussi une différence avec votre école aux États-Unis, c'est que là-bas, vous pouviez lire absolument ce que vous vouliez, alors qu'au Britannée, il fallait qu'on signe les romans qui pouvaient rentrer dans l'établissement. Oui, tous les livres que nous avions dans nos casiers devaient être tamponnés par l'administration militaire ou scolaire, hein, soit l'officier qui nous encadrait, soit le professeur de français. Il fallait qu'il y ait leur signature sur les livres, et quand on arrivait avec des livres qui ne leur plaisaient pas, eh bien, ils les confisquaient. Ils ne les brûlaient pas, mais ils nous les rendaient le jour du départ en vacances, 3 mois plus tard. Ouais. Alors un jour, vous êtes arrivé avec Maurras, et là, tout d'un coup, tout allait mieux. Ah, je crois pas, non, Maurras. Ah si, vous écrivez que un jour vous apportez un Maurras à signer et que le superviseur Donald, c'est un général, c'est ça? C'est le capitaine. Dit Compagnon. Alors évidemment, il vous appelle pas Compagnon parce que c'est le narrateur anonyme de votre roman. Vous avez parfois de bonnes lectures. Ah, bah écoutez, j'avais oublié que j'avais raconté ça. Je crois que c'est plutôt de l'ordre de la fiction que de la réalité. Mais non, je me rappelle. Je ne sais pas si je le raconte dans le livre parce que j'ai du mal à faire la différence entre les deux. Il y a beaucoup de fiction dans ce livre. C'est pas un récit très très fidèle. Et je me rappelle très bien de m'être fait confisquer les mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir, qui n'est pas un livre tellement subversif, mais Beauvoir, ça représentait l'existentialisme, le compagnonnage de route, enfin toute une série de choses qui pouvaient inquiéter l'administration. Donc j'ai pas pu le lire, j'ai dû attendre les vacances pour le lire. Alors ce sentiment d'enfermement vous gêne beaucoup, ce sentiment de vivre un siècle en arrière également. Et puis il y a aussi l'épreuve du bizutage, mais vous prenez les choses, votre narrateur, mais c'est quand même un peu vous, avec beaucoup de philosophie, Antoine Compagnon. Oui, bon, il faut parler du bizutage. Le bizutage existait. Bon, je crois qu'il existe encore. Régulièrement, il revient dans l'actualité. Oui, je peux pas dire que dans cet établissement, à l'époque, dans ces années-là, c'était une épreuve particulièrement redoutable. Mais enfin, c'était une épreuve initiatique. Tout de même, il fallait se faire admettre des anciens qui étaient là depuis longtemps, puisque je suis arrivé en classe de première, donc de réto, dans cet établissement où certains étaient là depuis la classe de sixième et même avant, puisqu'il y avait des écoles militaires primaires à l'époque. Donc pour vous, c'est simplement un fait de l'époque. Vous racontez que personne ne vous croit à ce sujet quand vous dites que, au fond, ça n'était pas si grave, que ça n'était pas grand-chose. Et pourtant, il y a de la perversité chez ces élèves du Prytané, enfin en tout cas oui. De ce lycée que vous décrivez. Il y a de la perversité, il y a de la cruauté. Il y a de la cruauté, je crois qu'on peut aussi la comprendre par le degré d'aliénation dans lequel ces garçons avaient vécu. On retrouve ça chez Vargas Llosa, dans le roman de Vargas Llosa, et chez Musil. Et aujourd'hui, on ne se rend pas bien compte, mais il n'y avait aucun, dans un établissement comme celui-là, il n'y avait à l'époque aucun soutien psychologique, aucun interlocuteur auquel adresser ces élèves, dont je dis que parmi eux, il y en avait beaucoup qui étaient assez cinglés, qui avaient été tout de même traumatisés par ces années d'internat et qui auraient mérité d'être suivis un tout petit peu par des professionnels de la santé mentale. Or, ce n'était pas le cas. D'où un certain nombre de drames qui avaient lieu régulièrement dans ces établissements. L'encadrement et aussi les élèves qui pouvaient avoir des difficultés psychologiques. Je pense à votre camarade Damiron. C'était oui. Le premier de la classe et il allait devenir, je ne sais pas dans quelle mesure c'est de la fiction, un assassin. Oui, mais il n'était pas le seul qui aurait dû être mieux suivi à l'époque. Oui, c'était un très bon élève qui sans doute avait des difficultés psychologiques, telles que je le raconte dans le livre. Alors évidemment, dans ce livre, j'ai condensé beaucoup de réalités, puisque j'ai mis dans une année une expérience qui est beaucoup plus longue, puisque je suis resté 5 ans dans cet établissement, mais j'ai essayé dans le cadre d'une année scolaire de rendre compte d'un certain nombre d'expériences. Et du coup, des transpositions, certains se sont reconnus dans ce livre, mais ils n'ont pas reconnu les autres, puisqu'ils ne s'étaient jamais côtoyés. Alors, vous avez subi le bizutage, mais ce dont vous vous souvenez le plus, et avec le plus de bonheur, c'est d'avoir éprouvé une curieuse sensation dans ce bahut sinistre, grâce à l'odeur moisie d'un escalier en bois. On écoute cet extrait, lu toujours par Anne-Vanessa Prévost. Une curieuse sensation de bonheur m'envahit, me transporta soudain loin de là. Mais j'ignorais le sens de cette impression, et je n'eus pas le loisir d'approfondir l'expérience. 2 ans plus tard, me lançant témérairement dans la lecture de Proust, je compris mieux, après une 30aine de pages, ce qui s'était passé le soir de mon arrivée au bahut, et je poursuivis la lecture de la recherche du temps perdu. Mais j'avais reconnu tout seul, entre-temps, dans l'odeur moisie de cet escalier de bois pourtant lavé à grande eau, et régulièrement frotté à la paille de fer par les élèves de corvée, celle de l'annexe où nous séjournions lorsque nous nous rendions en vacances, près de Sancerre, dans la propriété du second mari de mon arrière-grand-mère, quand j'avais entre 4 et 7 ans. Cette odeur ressuscitée eut sur moi le pouvoir d'une drogue. Dans les premiers mois de ma vie au bahut, au moment les plus durs, j'avais pris l'habitude de me réfugier dans cet escalier. Parfois, quand je ne dormais pas, je venais y passer 1 heure, accroupi sur le palier, mes bras en serrant mes genoux. Je humais l'odeur d'enfance. Je me réconfortais à l'évocation de l'été, celui de la naissance de mon frère, où ma mère m'avait appris à lire. Ce petit rien qui me venait de vous. Si c'était 3 fois rien, 3 fois rien entre nous. Évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout. qui me venait de vous. Votre Madeleine à vous, Antoine Compagnon, c'était donc une odeur moisie d'escalier en bois. Oui, ben voilà, c'est un bon exemple qui nous rappelle qu'il faut passer par les livres pour comprendre exactement ce qu'on est en train de vivre. Donc j'exprime là le constat que je ne savais pas très bien ce qui m'était arrivé le jour de cette arrivée dans cette école. Vous n'aviez pas lu Proust à l'époque. Jusqu'au moment où, 2 ans plus tard, j'ai lu Proust. Bon, l'épisode de la Madeleine, c'est finalement une expérience commune. Nous sommes tous passés par là. Mais seul Proust a réussi à en faire un chef-d'œuvre, à en faire, comment dire, l'instrument de tout un grand livre. D'ailleurs, votre narrateur, on l'apprend comme ça juste au détour d'une phrase, il s'appelle Marcel, parce qu'à un moment donné, on l'appelle par le haut-parleur et on appelle le jeune Marcel pour qu'il reçoive un coup de téléphone. C'est évidemment un clin d'œil à Proust. C'est un clin d'œil à Proust que j'ai lu dans ces années-là. J'insiste beaucoup sur le fait que tout ce que je lisais beaucoup à l'époque, c'était la génération du livre de poche. Donc on lisait les livres au fur et à mesure qu'ils étaient publiés dans le livre de poche, mon Turles que je citais tout à l'heure, ou La recherche du temps perdu qui a été publié dans le livre de poche avec ses belles collections où on voyait les photographies et les manuscrits de Proust. Vos camarades lisaient beaucoup aussi ? Non. Non, enfin certains oui. Certains oui, mais la plupart peu. Enfin, l'activité disons de loisirs ou l'activité dans laquelle les personnalités s'exprimaient, c'était essentiellement le sport. C'était chacun avait son sport de prédilection. C'était la manière de s'exprimer. Mais donc vous à cette époque-là, vous êtes donc fils de militaire dans un établissement militaire. Vous imaginez peut-être une carrière de militaire. Comment l'amour de la littérature s'inscrit là-dedans ? Et est-ce qu'il y a déjà l'idée que peut-être vous pourriez faire que votre vie tourne autour de la littérature ? Non, absolument pas. Non, j'étais en classe scientifique. J'ai fait des études scientifiques d'abord. Donc je faisais surtout des mathématiques et la physique à l'époque. Et donc il n'y avait pas du tout l'idée de carrière, ni d'écrivain, ni de critique, ni de professeur de lettres. Mais bon, c'est très bien de lire. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui lisent et qui sont de meilleurs lecteurs. Peut-être que d'être devenu universitaire, ce n'est pas la meilleure condition pour lire librement et lire avec plaisir et profiter le plus de la lecture. Finalement, vous auriez dû être ingénieur et lire le soir en rentrant chez vous. Et voilà, c'est peut-être une meilleure vie. N'oublions pas, Musil était ingénieur. Enfin, une condition de lecteur qui est peut-être meilleure pour ceux qui ne sont pas des lecteurs professionnels. Il y a toute une bande-son à votre livre, on en a entendu un petit peu des extraits avec Gainsbourg. Ça représentait quoi, la musique, pour vous, à ce moment-là, vous qui ne pouviez pas vraiment en écouter, sauf chez un ami, mais vous ne pouviez pas en écouter, évidemment, à l'intérieur de l'enceinte de l'établissement. Il y avait les transistors, c'est le début de la radio, donc si on pouvait écouter le soir dans son lit avec son transistor... Avec une oreillette, oui c'est vrai, vous dites une ça. Une oreillette, on pouvait écouter le jazz, il y avait quelques émissions très célèbres de radio dans ces années-là, donc on pouvait écouter ça le soir, et puis il y avait le jazz, oui c'est une... Bon, je parle dans le livre de cette initiative avec l'un de mes camarades, qui est celle du jazz. Et ça a été en effet très important. En quoi ça change quand même, si ce n'est votre vie, au moins votre personnalité à cette époque-là, la découverte de ce monde extérieur qui est le monde de la musique ? Ça donne un degré de liberté. Il y avait des degrés de liberté. Il faut trouver ces libertés. Il y avait la liberté de la lecture, il y avait la liberté... du jazz, et je décris l'un de mes camarades qui était passionné de cinéma, donc il fallait trouver le moyen, au fond, de survivre. d'exister dans un environnement qui était très contraint et qui laissait peu de marge aux initiatives personnelles. Antoine Compagnon, vous restez avec nous, le temps d'accueillir Stéphanie Genant pour notre désormais habituelle chronique du jeudi. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Stéphanie Genant, bonjour. Bonjour Mathieu. Je rappelle que vous êtes 18e maître de conférences HDR à l'Université de Rouen et vous venez nous apporter un éclairage différent sur ce thème de l'école en littérature que nous traitons depuis lundi dans l'émission. Vous avez intitulé votre chronique « L'école, un élargissement du monde » en empruntant ce titre à Annie Ernaux dans son livre « Retour à Yvetot ». Pourquoi ce nom, pourquoi ce choix ? Parce qu'en réfléchissant à votre thème de la semaine, je me suis aperçue que l'école occupait une place d'autant plus grande dans les textes qu'elle représentait un écart social ou on peut dire de place, comme dirait aussi Annie Ernaux, pour les gens qui la décrivaient. Et du coup, si on regarde l'actualité des 20 dernières années ou des 15 dernières années, ce sont surtout des femmes qui ont, comme une minorité, un exemple de minorité, donné à l'école dans leurs essais une place majeur, parce que ces femmes ont mesuré, en tout cas pour la génération des gens comme Annie Ernaux, ou je pense aussi à Mona Ouzouf, qui a écrit Composition française en 2009, ou encore récemment Daniel Salmave dans L'Églantine et le Muguet, ces femmes ont mesuré que l'école leur élargissait l'horizon, là où leur mère et leur grand-mère n'avaient pas eu la chance, justement, de découvrir l'école. Et alors, de manière générale, quel rôle diriez-vous que l'école joue dans ces récits-là, Stéphanie ? Eh bien, elle a trois fonctions, on peut dire deux jubilatoires et puis une un tout petit peu plus ambiguë. La première, c'est bien sûr d'offrir un sentiment de liberté, ce qu'on voit tout récemment aussi, par exemple, dans les souvenirs de Chantal Thomas, Café de la mémoire. Chantal Thomas qui raconte, elle aussi, son arrivée à l'Université de Bordeaux comme un moment de voyage, d'émancipation, d'élargissement, là encore, de l'horizon, donc la liberté. Le début d'une nouvelle vie féminine différente des générations précédentes. Et puis, bien sûr, l'école, pour ces gens-là et dans ces textes-là, je pense aussi à Mona Ouzouf ou même à Daniel Salnave récemment, représente aussi un rapport au savoir qui est exaltant. Ouais. Toutes ces femmes se sont littéralement grisées par la connaissance, s'y jettent avec frénésie. Je pense aussi, bien sûr, j'ai oublié de le dire, il faudrait ajouter à cette série de femmes enthousiastes à l'école, bien sûr, Beauvoir, dont Antoine Compagnon vient de parler, ses mémoires des jeunes filles rangées qui datent aussi de 58. Et Beauvoir est, elle aussi, exaltée, boulimique, on pourrait presque dire. Lorsqu'il arrive, elle veut tout apprendre, se forger une destinée grâce à l'école. Et en même temps, il y a toujours un prix à payer dans ce déracinement que constitue pour ces femmes-là le fait d'aller à l'école. Ben c'est ce que je disais tout à l'heure, oui, s'il y a une troisième vertu, un tout petit peu plus dissolvante, on pourrait dire, puisque changeant de place, changeant presque, on pourrait dire, pour leur époque de sexe, je me souviens de Beauvoir qui dit dans ses mémoires d'une jeune fille rangée, c'est son père qui dit « Simone a un cerveau d'homme, Simone est un homme », puisque Simone envisage et réussit l'agrégation de philosophie. Donc il y a pour toutes ces femmes un sentiment de mutation qui peut être angoissant. Chantal Thomas dit « c'est un voyage », et les voyages contiennent toujours une part d'étrangeté qui peut être grisante et un tout petit peu inquiétante aussi. Alors je crois, Stéphanie, que vous avez lu La classe de Reto d'Antoine Compagnon. Quel regard portez-vous sur ce livre et un peu aussi peut-être dans la perspective de ce que vous venez de nous dire sur le rapport des femmes avec l'école? Alors ce qui m'a, moi, justement frappé, c'était que le savoir venait au narrateur du livre par d'autres biais que l'école. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Je me souviens que le personnage va acheter des livres régulièrement, mais par contre, il ne dit rien du tout des cours qu'il reçoit. Alors soit ces cours sont décevants, en tout cas le savoir vient d'ailleurs, vient de vous, de votre trajectoire personnelle, mais pas du tout de l'institution. Antoine Compagnon. Mais l'école qui compte, je pense que c'est pour beaucoup aussi dans les expériences que vous avez relatées, c'est l'école primaire. Au fond, on doit tout à l'école primaire. Le reste, c'est un supplément. Peut-être que pour Beauvoir, c'est plus l'école normale ou... Mais c'est celle-là qui compte. Mm. Nous nous souvenons des noms de tous nos instituteurs et institutrices du primaire, à peine de ceux des professeurs du secondaire. Et alors les professeurs qu'on a eu à l'université. Des professeurs de l'université. Et je crois que nous sommes à peu près tous dans ces cas-là. Moi, j'ai le sentiment d'avoir une dette absolue à l'école primaire. Mmh. Vous vous souvenez du nom de vos professeurs, alors ? De toutes les années du primaire. Mmh. Et je dis, au fur et après, on les oublie. Quoi. Il y a quelques grands professeurs. On a tous eu, de temps en temps, un très bon professeur. Mais il suffit d'un, de temps en temps, pour être mordu. Bon, j'ai eu parfois des conversations avec certains collègues universitaires, littéraires, qui me disaient qu'ils n'avaient jamais eu de bons professeurs de lettres dans toute leur scolarité. Moi, je dirais pas ça. J'en ai eu, peut-être dans toute la scolarité, deux excellents. Et c'est eux qui ont, d'une certaine manière, conditionné votre vocation. Ça suffit à les former, je leur dois tout. Mais j'ai eu deux très bons professeurs de lettres à travers ma scolarité secondaire. Les autres étaient... Bon, des fonctionnaires, quoi. Mmh. Mais il suffit d'en avoir un très bon dans sa scolarité. Et je crois que, bon, presque tous les Français ont eu l'occasion d'avoir au moins un très bon professeur de lettres. Vous aussi, Stéphanie, votre vocation, elle a été conditionnée à un moment donné par un professeur ou une professeure de lettres. Oui, mais je suis d'accord avec Antoine Compagnon. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je trouverais ça encore mieux qu'il y en ait 6 ou 7 dans notre vie d'étudiant qui nous exaltent. C'est triste qu'il y en ait un seul. Oui, moi, je trouve que c'est bien. Et encore une fois, ce que je vous dis, je donne tellement de poids au primaire. Je crois que c'est là que se fait la vraie formation. On construit ensuite sur ce qu'on a acquis à l'école primaire. Et voilà, là, il est important de se souvenir de tous les maîtres du primaire. Merci Stéphanie. J'ai vu New York, New York USA. J'ai vu New York, New York USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est haut New York, New York USA. J'ai vu New York, New York USA. J'ai vu New York, New York USA. J'ai jamais rien vu d'eau. C'est une semaine consacrée au roman de l'école que nous vous proposons dans la compagnie des auteurs sur France Culture. Et pour terminer cette série sur un livre contemporain, je reçois Antoine Compagnon, professeur au Collège de France et à l'Université Columbia de New York et auteur du livre La classe de Reto, paru en 2012 aux éditions Gallimard et dont voici un nouvel extrait. Tout s'est joué durant cette classe de Reto. Du moins je le crois. Et c'est sûrement une illusion. Comme si j'étais restée identique depuis cette date. J'aurais encore grandi, mais non plus changé. Par exemple, mon idée de la France était faite, et ma conception de l'autorité, de l'honneur, mon sens du courage, de l'amitié. Ensuite, quand je me revois à d'autres moments de la vie, il me semble être le même. Cette année-là, je l'entamais comme un bleu. L'éternel bisu tombait des nues. Abîmé sur terre et quelle terre. Je la terminais en pensant savoir qui j'étais et quel était le monde où j'allais vivre. Un grand, un immense bahut, avec son ordre serré et son anarchie profonde, sa règle apparente et ses arbitraires incessants, ses peines et ses allégresses, ses mensonges et ses émotions, ses hypocrisies et ses passions. Rien de plus artificiel que cette impression. On se figure l'unité, la cohérence, la continuité d'une existence, là où il n'y a sans doute que des moments disjoints et les zigzags de la fortune. Quand on regarde en arrière, on se voit comme un puer sénex, même si les autres ne vous donnent pas votre âge et vous regardent encore en gamin. Nous le savons, mais privés de telles fictions, faute de self-deception, sans une bonne dose de mensonge à soi-même, de du prix de soi, pour ne pas dire de mauvaise foi, nous serions égarés. Chacun se raconte une histoire à laquelle il s'attache, parfois comme à la corde du pendu, plus rarement comme à une cordée vers les sommets. Dans mon histoire, l'aréto a été le nœud fatidique. Non, je ne suis pas le docteur Jekyll. Alors cette école a été pour vous, Antoine Compagnon, vous le dites, vous l'écrivez, le nœud fatidique. Est-ce que le fait de publier cette histoire a changé quelque chose dans la perception que vous avez de ces années-là ? Je ne crois pas. Non, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que c'était... Quand je me suis mis à écrire ce livre, je me suis rendu compte qu'il était à peu près déjà écrit dans ma tête. Donc cette histoire était mûre. Il fallait sans doute que je l'écrive un jour. Oui, mais il fallait un volcan. Alors ensuite, elle a pris forme, puisque quand on se met à écrire, il y a des tas de souvenirs qui viennent. La mémoire se met à travailler et des choses qui étaient totalement disparues réapparaissent. Et puis, il y a tout de même une petite recherche qu'il faut faire pour asseoir le livre dans l'époque. J'ai fait un cours au Collège de France sur l'année 1966. Mmh. Après avoir écrit la première version de ce livre, c'était un cours sur d'histoire culturelle de ce moment-là, afin d'essayer de le comprendre un peu mieux, le contexte. Mais est-ce que... Non, peut-être justement que ça permet de tourner complètement la page, de ce moment qui a sûrement beaucoup compté dans ma formation, mais qui a dû laisser quelque chose d'assez traumatique. Et... Oui, peut-être qu'on peut dire que d'avoir écrit ce livre a complètement clos cet épisode et qu'il n'est plus nécessaire d'y revenir. Il faudrait revenir à autre chose, quoi. Alors vous dites à la fois que votre bahut était un modèle de société et une société à part, un univers en soi qui s'emparait de vous, qui vous happait. C'est une sorte de micro-société, c'est une sorte de microcosme du grand monde. C'est pour ça que je crois que je dis à un moment que c'était un laboratoire pour comprendre comment fonctionne un groupe, comment fonctionne l'autorité, quels sont les rapports entre le haut et le bas, quels sont les rapports avec les concitoyens, avec le pouvoir. Tout cela. Et tout cela, je crois qu'on pouvait le comprendre on peut le comprendre dans une petite communauté. Et je crois que ceux qui étaient attentifs à ce fonctionnement, il n'y avait pas que moi, il y en avait d'autres, ce sont ceux qui pouvaient justement s'en tirer. Mmh. Et d'une certaine façon, surmonter ce moment qui était un moment difficile. Vous étiez d'ailleurs un élève rebelle. Vous avez fait l'expérience de la confrontation à l'autorité. Oui, d'une manière... Bon, je pense que j'étais un élève assez quelconque à cette époque-là. Et j'ai eu la chance, je le décris de cette façon, j'ai eu la chance d'avoir été, en quelque sorte, à mon arrivée dans cette école, adopté par les rebelles. Mmh. Par ceux qui étaient un peu originaux. C'était les modernes, ceux qui... Il y avait les classiques et les modernes dans ces distinctions scolaires. Je sais que la modernité, pour vous, c'est important. Les modernes, là, c'était ceux qui faisaient plus de latin. Mais c'était eux qui représentaient cette sorte de subversion dans l'établissement. Et faisant partie de ce groupe-là, j'ai pu bénéficier d'un point de vue qui était... plus intéressant, que probablement je n'aurais pas pu adopter de moi-même, parce que, bon, j'étais quelqu'un d'assez, comment dire, assez modeste, d'assez sage, donc si, d'assez rangé, comme la jeune fille rangée. Et donc, si on ne m'avait pas adopté dans ce groupe-là, je serais peut-être resté dans les élèves les beaucoup plus ordinaires. Et parmi eux, il y avait 7 élèves en particulier que vous appelez le grand Krebs, qui était comme votre anti-colonel. Alors, le grand Krebs, qui est toujours un ami d'ailleurs, enfin celui qui a servi en partie de modèle à ce personnage, c'est quelqu'un que je vois toujours. C'est l'un de mes seuls amis qui date de cette époque-là. Hein. Il était en effet une sorte de, comment dire, de contre-pouvoir, puisqu'il exerçait beaucoup d'autorité sur ses condisciples et ses camarades, et il était d'une certaine façon redouté par les autorités en raison du pouvoir qu'il exerçait. Et là aussi, c'est quelqu'un, évidemment, auprès de qui j'ai beaucoup appris dans cet exercice de la rébellion et peut-être aussi de la folie, puisque c'était quelqu'un qui était assez fou, oui. Assez fou. Qui d'ailleurs, lui aussi méritait d'être soigné. Il a pas mal fini, mais enfin, il a eu des moments difficiles, en tout cas le personnage de votre livre. Oui. Oui, bon, là aussi, je l'ai décrit. Enfin, dans le roman, il devient magistrat. Hein, si mes souvenirs sont bons. Oui, oui c'est ça. Magistrat. Il devient magistrat. En vérité, c'est quelqu'un qui a eu une carrière politique et qui a très bien réussi dans la carrière politique. Et c'est quelqu'un qu'à l'époque, on aurait appelé, si on avait su, je sais pas, maniaco-dépressif, quelqu'un qui passait par des périodes de grande activité et de grande dépression. Mais tout ça, c'était des notions que nous ignorions absolument et que notre encadrement militaire ignorait absolument. Mmh. Donc ça donnait un personnage tout à fait exceptionnel et impressionnant. Donc ce personnage, c'est le grand ami de votre narrateur. Vous, on va dire comme ça, le retrouviez le soir pour de très longues discussions dans une relation qui était une relation d'amitié, mais qui était sans doute aussi plus que ça. Qui était une relation de profonde amitié, je vous dis qu'il est resté. C'est quelqu'un que j'ai continué de revoir par la suite. C'est peut-être le seul que j'ai continué à revoir par la suite de tout ce milieu. Mais effectivement, dans le livre, qui est tout de même un roman, j'en ai fait un personnage qui a une envergure assez grande. Oui. Mais la question quand même de l'amour dans les pensionnats de garçons, c'est d'abord une thématique qu'on retrouve un peu toujours dans ce sous-genre de l'internat dont on parlait au début de l'émission. Et c'est quand même l'une des colorations également de votre livre. Écoutez, si c'est le cas, c'est pas tellement l'intention que j'ai voulu donner parce que, comment dire, je crois qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'innocence dans ces amitiés de l'époque, dans ces collèges militaires. Donc c'est pas une thématique de ce sous-genre-là, alors? Non. Mm. Non. Non, non, non. C'était des, oui, c'était de grandes amitiés, hein, de grandes confidences qui se faisaient, mais qui n'avaient pas beaucoup de coloration érotique ou sexuelle. On a dit que vous étiez un rebelle, que vous traîniez en tous les cas avec le groupe des rebelles, comme votre mère d'ailleurs, qui avait fait de la prison pendant la guerre, vous le racontez également. Oui, je dis que ma mère qui est morte en effet quand j'étais assez jeune, bon, je fais partie des gens qui ont une certaine chance, puisque et mon père et ma mère ont fait des guerres honorables, Seconde Guerre mondiale, puisque mon père a fait une très très longue, avait fait, ils sont bien morts depuis longtemps maintenant, une très longue guerre, et ma mère avait été plus ou moins liée à la résistance et fait de la prison sous le nazisme. Et je crois que ce sont des conditions qui, d'une certaine manière, rendaient une enfance des années 50 et 60 plus vivable. Mmh. Parce que nous étions tout de même... Bon, vous êtes plus jeune, mais dans les années 50 et 60, on était tout de même tous marqués par la guerre. Et c'est aussi l'impression que je voulais donner dans ce livre, c'est que cette guerre, au fond, ne s'est terminée qu'en 62, avec la fin de la guerre d'Algérie, puisqu'il y a une très grande continuité entre la Seconde Guerre mondiale et les guerres de la décolonisation en Indochine et en Algérie. Donc... C'est aussi le sentiment que je voulais donner dans ce livre. C'est un livre de la sortie de ce quart de siècle de guerre. Qui se traduit aussi dans le contexte du Prytané, dans le contexte de l'armée, par le passage, par le changement de philosophie finalement complète de l'armée, qui passe à la dissuasion et qui devient une armée de techniciens, alors qu'on était dans une armée de baroudeurs. Et ça, c'est très présent aussi dans votre roman, le thème de la virilité, du coup, de la virilité qui est attaquée, et par ce biais-là, présent aussi. C'est-à-dire, c'est le moment où l'armée bascule, après 62, puisque après les accords d'Évian, eh bien, l'armée doit être réduite considérablement, et puis elle doit être transformée, alors que pour la guerre d'Algérie, c'était une armée essentiellement d'infanterie. Il faut passer à une armée, en effet, de techniciens. Donc c'est une armée un peu émasculée, non ? C'est une armée tout à fait différente qui apparaît dans cette époque, et en effet, l'encadrement que nous avions dans une école comme celle-là, c'était des baroudeurs. C'était ceux qui avaient fait ces guerres de la décolonisation, qui avaient été abîmés par elles et qui n'étaient pas particulièrement adaptés pour encadrer des adolescents. Et en effet, c'est un moment où un établissement comme celui-là devait se repenser. Alors qu'il avait servi à former beaucoup de jeunes officiers pour les guerres de la décolonisation, il s'agissait de former plutôt des ingénieurs. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors Antoine Compagnon, sortant du Bahut, vous n'allez pas tout de suite, on l'a dit, vous diriger vers des études de lettres puisque vous serez d'abord ingénieur. Mais bientôt, vous allez trouver votre voie auprès d'un professeur, le professeur Roland Barthes, grâce à qui vous êtes devenu celui que l'on connaît aujourd'hui. Vous avez raconté cette histoire dans un autre récit qui est finalement un petit peu la suite de la classe de Réto, qui s'appelle « L'âge des lettres » et que vous avez publié chez Gallimard en 2015. Alors au fond, votre véritable école, ça n'a pas été le Prytané de la Flèche, ça a été l'école avec Roland Barthes. Oui, « L'âge des lettres » que vous citez, dans mon esprit, c'est un petit peu la suite. C'est le moment suivant, disons des moments assez déterminant, enfin de tournant dans une formation, parce que c'est tout de même une formation scolaire, une formation qui n'est pas nécessairement liée à l'école, parce que on apprend souvent plus autour. Mais les relations avec Roland Barthes, bon, c'est un peu plus tard, puisque j'avais déjà fini à peu près les études d'ingénieur quand j'ai suivi le séminaire de Roland Barthes et qu'ensuite nous avons été amis pendant quelques années. C'est une éducation alors aussi. Oui, alors dans ce livre-là, dans l'âge des lettres, je le décris. Bon, j'ai eu le sentiment dans les années durant lesquelles j'ai fréquenté Roland Barthes de l'avoir vu travailler. Et là aussi, c'est pas nécessairement un contenu d'enseignement qui importe, mais c'est une façon de faire. Et Roland Barthes, pour moi, était un artisan. C'est quelqu'un qui aimait bien faire des boîtes, qui aimait bien jouer avec ses fiches. Il y avait beaucoup de travail de la main chez Roland Barthes. Bon, qui jouait du piano, qui dessinait et qui avait une écriture manuscrite très, comment dire, à laquelle il était très attentif, tous les instruments avec lesquels il écrivait. Donc pour moi, c'est quelqu'un que j'ai vu travailler et à qui peut-être j'ai emprunté un certain nombre de ses manières de travailler, justement. Alors il avait une écriture manuscrite, surtout après qu'il vous avait donné une machine à écrire, qui était peut-être la sienne d'ailleurs, une machine à écrire Olivetti. Vous pouvez nous raconter cette histoire, Antoine Compagnon ? Oui, il s'était acheté une machine à écrire électrique et il n'arrivait pas à la contrôler. Chaque fois qu'il tapait sur les touches, elle partait avec de grandes répétitions. Du coup, après avoir écrit ce livre, je me suis dit qu'au fond, peut-être il me l'avait donné pour s'en débarrasser. Moi, j'avais trouvé ça un très beau cadeau, puisque cette machine à écrire m'a servi à écrire ma thèse, elle m'a servi à écrire mes premiers livres. C'était une belle machine à écrire, un bel engin. Mais lui n'aimait pas cet engin. Vous l'avez jeté, cette machine à écrire? Je l'ai pas conservée. Un jour, je m'en suis débarrassé parce qu'ensuite, je suis passé à l'ordinateur, comme tout le monde, et cette machine, je n'avais plus qu'en faire. Et puis, on ne trouvait plus d'ailleurs les rubans pour la faire fonctionner. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû la conserver et la donner à un musée ou à une bibliothèque. Mm-hmm. Malheureusement, un jour, je m'en suis débarrassé. Mais Barthes, pour lui, la machine à écrire faisait entrer le texte dans le marché, sur le marché. Dès que le texte était dactylographié, il y avait pour lui dans le texte quelque chose qui devenait, j'ai presque envie de dire, obscène. Obscène parce que c'était un objet commercial. Et d'où le privilège qu'il accordait aux manuscrits. Alors bien sûr, aujourd'hui, nous sommes très loin du manuscrit, puisque pratiquement, nous n'écrivons plus à la main. Tout de même, Barthes vous a fait une confiance incroyable, et notamment quand il vous a demandé, alors que vous n'aviez que 25 ans, de diriger le colloque qui lui était consacré à Cerisy-Lassalle. Ça, c'est une éducation quand même. Oui, je sais pas très bien pourquoi il m'a demandé ça, parce qu'en effet, j'étais pas tout à fait adulte, en tout cas, que j'avais pas beaucoup d'autorité quand il m'a demandé de faire. Là aussi, on se rend compte de choses quand on écrit. Lorsque j'ai écrit ce livre, là, je me suis dit, au fond, s'il m'a demandé d'organiser ce colloque de Cerisy, c'est parce qu'il voulait pas le donner à ceux qui avaient envie de le faire. Et donc, au fond, je servais à ne pas le donner à d'autres, j'imagine. Peut-être qu'il a quand même voulu vous mettre le pied à l'étrier, vous ne croyez pas? Et c'était un moment assez lourd à gérer, parce qu'il y avait des personnalités qui avaient du poids et qui n'étaient pas toujours contrôlables. Et finalement, c'est une expérience qui s'est plutôt bien passée. Mais ça a été quelque chose de dur, l'organisation de ce colloque. En tout cas, aujourd'hui, comme Barthes hier, vous êtes professeur de littérature française et contemporaine, histoire, critique et théorie au Collège de France. Vous enseignez, dernière question, une réponse courte si possible, à quoi doit servir l'école, à quoi doit servir l'enseignement? À quoi doit servir l'école? Elle doit servir à vivre. Elle doit servir à, d'abord, j'ai été longtemps au Conseil de l'éducation, donc c'est difficile de vous donner une réponse courte, mais c'est pourquoi tout à l'heure j'insistais tellement sur l'école primaire. Je pense que le drame de l'école aujourd'hui, c'est ceux qui sortent de l'école primaire sans les acquis fondamentaux, et c'est quelque chose qui se joue très tôt. Donc c'est ça, d'abord, que l'école doit donner, apprendre à lire, à compter et à vivre dans toutes les dimensions de cette activité. Merci beaucoup, Antoine Compagnon, d'être venu nous voir aujourd'hui. Je ne saurais que trop conseiller à nos auditeurs la lecture de votre livre « La classe de Réto », désormais disponible dans la collection Folio. Demain à 15h, vous retrouvez Manu Farine. Nous vous proposerons dès lundi une semaine consacrée à Patrick Modiano, dont nous tenterons de retracer le parcours d'écrivain.